seront toujours les derniers, pas vrai? Tu peux me comprendre même si t'as le QI d'Avrel. Parce que je sais que ma maison peut devenir d'arrêt. Vis intensément comme si c'était le jour d'après. Encre noire coule tout doucement dans mes artères. Les gens n'aiment pas les gens, chacun dans ses affaires. On sait que sursis devient prison ferme. Comme on vit dangereusement, brille au ciel. Les riches s'enrichissent plus, oui on le sait. On a des richesses mais qui tient le guidon seul. Élevé aux 35 heures on se laisse vivre en fait. Tout le monde veut croire au mensonge universel. Monnaie, malgré que tu me fuis, oui je t'aime. Sans toi je ne suis rien, j'ai compris le game. Les derniers seront toujours les derniers, pas vrai? L'alcool et la drogue sont les amis de paresse. Les juges et les flics sont les ennemis de la thèse. Mon entre sera noir jusqu'à ma mise en terre. Espoir et dette, donne-moi vite mon chèque. On est en retard de plusieurs siècles. Bordel dans plusieurs thèses. Y'a des armes dans plusieurs caisses. Fabuleuse, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, la rue est fabuleuse.